Bien en vente sur premieracte.ca. Ce soir, à l'aérospatiale, l'art de l'encadrement avec François Simard, une rencontre avec l'artiste Simon Henry et un livre photo de Charles-Frédéric Ouellette. Alors bonsoir chers auditeurs et auditrices et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec. Audrey Caro à votre compagnie pour cette émission du 28 novembre et pardonnez ma voix de canard aujourd'hui, un vilain rhume m'afflige, mais j'espère que ça n'affectera pas trop votre écoute aujourd'hui. Je vous ai préparé cette semaine une émission qui sort un peu de l'actualité des expositions qui ont cours actuellement dans la ville de Québec parce que j'avais envie d'aborder quelques sujets dont on n'a pas toujours l'occasion de discuter ici à l'émission. Et tout d'abord, je vous propose d'entrée de jeu à cette émission un entretien qui s'inscrit dans cette série de portraits que l'on fait en lien avec les métiers et professions liés au monde des arts visuels. Hein, on le fait à l'occasion ici à l'émission. Et puis, aujourd'hui, j'avais envie de discuter encadrement avec l'encadreur et artiste François Simard, qui est bien sûr une figure très connue dans le milieu des arts visuels ici à Québec. Et on va discuter vraiment de manière plus large, oui, de cette question d'encadrement, oui, des petits conseils, des trucs, mais aussi en même temps ce que ça ajoute aussi et l'importance que peut avoir l'encadrement dans la perception des œuvres d'art aussi. En deuxième moitié d'émission, notre chroniqueuse Héloïse Plamondon-Pagé va nous faire découvrir le travail de Simon Henry, un artiste qui dessine, oui, oui, le son. Elle va profiter de cette occasion pour discuter avec lui au sujet des partitions graphiques qu'il conçoit, qui ne sont pas tout à fait des objets musicaux ni exclusivement des objets visuels, mais qui sont bien sûr à la frontière entre ces deux disciplines. Donc vraiment très hâte d'en entendre un peu plus sur cette démarche très particulière de Simon Henry qu'elle va nous faire découvrir. Et puis, par la suite, Anne-Sophie Homer va venir nous présenter le très beau livre photographique de Charles-Frédéric Ouellette intitulé « Le naufrage » qui se veut à la fois un projet d'investigation photographique et qui se situe à la frontière des approches documentaires et poétique. Donc, c'est un projet qui a été lancé la semaine dernière et bien hâte ça aussi de vous le faire découvrir. Mais dans un premier temps, j'avais envie de faire un retour avec vous sur cette soirée des prix d'excellence des arts et de la culture qui a eu lieu hier. C'était la 31e édition que l'on avait donc de ces prix qui sont remis à chaque année, donc pour souligner la qualité bien sûr des travaux des artistes, pas seulement en art visuel, mais aussi du milieu culturel, donc à la fois théâtre, danse, métier d'art, et aussi souligner certaines compagnies qui se démarquent aussi en matière de promotion culturelle. Et pour ce qui nous intéresse ici à cette émission, il y a les prix Vidéré, bien sûr, qui sont remis à chaque année. Un pour la relève en art visuel, un autre pour la création et un prix reconnaissance également aussi. Donc, cette année, et comme à chaque année, la compétition est toujours assez relevée et c'est jamais évident pour le jury, j'imagine, de faire un choix, mais quand même, trois belles expositions qui avaient été présentées pour le prix relève en art visuel. Il y avait Samuel Breton avec Saint-Centre Sauveur du Rocher présenté à Engram, Pascal Leblanc-Lavigne pour son exposition l'exposition La Vitrine qu'on avait vue à la galerie de Manif d'Art, mais c'est finalement Julien Lebargie avec son exposition Programme de découverte spatiale pour ceux qui mélangent les chiffres et la poésie, S4DP+. Donc, il a été présenté à la maison Tessier-Dilaplante à Beauport. Donc, c'est lui qui a remporté donc, ce prix Relève en art visuel qui est accordé à un artiste de la scène émergente qui cumule moins de 7 années de pratique. Julien Lebargie, on le sait, est à la fois un sculpteur, mais il fait aussi des dessins et des peintures, et son travail nous amène plutôt à nous amène dans des univers très complexes et intrigants où les œuvres font partie vraiment d'un ensemble à découvrir et qui créent leur propre langage aussi. Alors voilà, félicitations à lui. Pour le prix Création en art visuel, c'est finalement Giorgia Volpe pour son exposition Tisser l'existant qui avait été présentée à la maison Amel Bruno un peu plus tôt surtout au cours de l'été, il faut le dire. Donc, il faisait un survol de sa carrière, bien sûr, parce que Giorgia Volpe, ça fait déjà de nombreuses années qu'elle est inscrite ici dans le milieu des arts visuels à Québec, et ce prix-là est remis à un artiste qui cumule plus de 7 ans, plus de 7 ans de carrière artistique. Donc, était aussi finaliste pour ce prix Annie Baillargeon avec Les Natures Mortes présentées à la Galerie 3 et Valérie Potvin pour Mons qui est également aussi présentée à la Galerie 3. Donc, toutes des finalistes au féminin pour cette catégorie création. Et finalement, il y avait le prix Reconnaissance qui est remis à un artiste qui cumule plus de 20 ans de carrière artistique et qui a se démarque par l'originalité, la qualité remarquable de ses œuvres. Et ce prix a été remis à Alain Martin Richard, un artiste, bien sûr, de l'art action ici à Québec, mais qui est à la fois aussi critique et commissaire et théoricien également. Donc, un artiste qui allait vraiment laisser sa marque ici à Québec. Il était très, très ému hier de recevoir ce prix de la part de ses pairs. Alors, félicitations à ces 3 artistes. Et un petit mot rapide pour souligner que Mylène Michaud a remporté le prix Émergence en métier d'art pour son travail, bien sûr, qui joue à la fois entre les métiers d'art et les technologies, donc des cartes, à vrai dire, de ville qu'elle reproduit au métier à tisser, donc pour explorer le rapport entre pixels et points au métier justement. Et également, une artiste dont on a parlé la semaine dernière, qui a reçu le prix Distinction en métier d'art, c'est Mireille Racine, cette chapelière dont on peut voir la production actuellement au Centre Materia. Donc, il s'est vu remettre le prix Distinction en métier d'art pour, bien sûr, récompenser ses nombreuses années en tant qu'artisane de métier d'art. Et un dernier mot pour dire que Manif d'art a remporté le prix Ville de Québec pour sa présentation de Manif d'art 8, cette biennale donc qui est inscrite depuis le début des années 2000 ici dans la ville de Québec pour bien sûr son rayonnement ici des artistes locaux mais aussi nous faire découvrir des artistes de la scène internationale lors de cet événement ici. Alors félicitations à tous et vous dire que nous essaierons d'avoir en entrevue, comme nous l'avions fait l'année dernière, les artistes des prix Vidéré, donc afin de discuter avec eux de leur parcours, mais aussi de cette reconnaissance qu'ils ont reçue. On vous fait suite à ce sujet. On s'en va en pause audio et cette semaine, Simon Roy nous propose Ankin Fallon avec l'artiste, c'est l'artiste Ankin Fallon, donc avec l'album Scientist et c'est de Darwinist qu'on s'en va écouter. Thank you. Eh bien, on débute cette émission en compagnie de François Simard. Bonsoir, François. Bonsoir, Audrey. Bonsoir, Anne-Sophie. Oui, Anne-Sophie Omar qui était déjà parmi nous. Ouais. Hein? Je ne l'avais pas souligné, okay. Mais voilà. Alors, voilà, François, on t'a déjà entendu ici à ce micro, plus à titre d'artiste, mais là, cette fois-ci, j'avais envie... Et même d'animateur. Et hein, d'animateur, ouais. Oui, c'est vrai, faut le rappeler. Dans un passé obscur. Oui, oui, tu avais fait animer une émission aussi à CKRL de musique très tard le soir, je pense. Exactement, hein? Oui. C'était plus broche à foin, oui. Ben, on va dire expérimental. Ouais, on va dire ça. Alors, voilà, donc aujourd'hui, on avait envie de parler d'un sujet qui, bien sûr, est ton quotidien, mais en même temps, quelque chose qu'on aborde très rarement, mais qui est extrêmement important dans le milieu des arts visuels, la question d'encadrement. Parce que, on le sait, un encadrement, bien sûr, c'est là pour mettre en valeur une œuvre d'art. Ce n'est pas anodin, c'est pas juste pour faire beau, mais il y a une fonction très, très importante. Mais avant de peut-être sauter tout de suite à ça, peut-être souligner, dire que ça fait déjà depuis 2011 que tu as fondé ton atelier d'encadrement ici à Québec. Exactement, oui. J'ai commencé, c'est ça, j'entame ma 7e année maintenant dans mon entreprise. Quand même. Qui fonctionne très bien grâce aux artistes, aux galeries, aux musées. Donc, voilà. Oui, et puis, dans le fond, tu dis, si on lit un peu sur ton site web, tu dis que c'était là pour répondre à un besoin de la communauté. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, quel était le contexte à l'époque? Bien, le contexte, moi, personnellement, j'ai une pratique en art visuel, comme vous le savez. Puis, je fais encadrer mes choses, je faisais encadrer mes choses à cette époque-là. Puis, j'habitais à Montréal aussi avant 2011. Puis, j'allais chez certains encadreurs avec qui je restais en contact aussi à Montréal, qui sont très bons, puis avec qui j'ai eu la piqûre aussi d'encadrement, puis j'ai décidé de faire les miens pour commencer. Mm-hmm. Puis de fil en aiguille, je me suis mis à en faire pour les autres, puis c'est devenu mon entreprise que vous connaissez maintenant. Oui, et tu as quand même eu aussi un bon soutien également de la part de la communauté, aussi des artistes. Je pense que c'est comme ça que ça, de fil en aiguille, ça a été du bouche à oreille, véritablement. Oui, exactement. Ben, j'ai fait le tour un peu de mon entourage. Hein, tu sais, mm-hmm. je fréquente ce milieu-là des arts visuels depuis plusieurs années, puis c'est mes amis avant tout, c'est mes connaissances, c'est un peu une famille, là. Oui. C'est une petite communauté. J'ai fait le tour de tous ces gens-là pour sonder un peu le terrain sur le besoin qu'il y avait dans l'encadrement des œuvres puis tout ça. Puis j'ai vu que vraiment il y avait une lacune à ce niveau-là à Québec. J'ai fondé mon entreprise à partir de ça en essayant de combler les besoins qu'il y avait. Oui. Ben justement, revenons-y à cette fonction-là dont j'évoquais un petit peu plus tôt, de dire, oui, on est là, l'encadrement est là pour mettre en valeur une œuvre, mais un bon encadrement aussi peut contribuer à la préservation d'une œuvre aussi. C'est pour moi la fonction première. Hein. C'est pas c'est juste une espèce de boîtier sur lequel on veut mettre en évidence un objet. On veut le préserver. Donc, ça doit respecter certaines normes, si on veut, assez rigoureuses pour la conservation. Surtout quand on parle d'œuvres en papier ou photographiques qui sont très, très fragiles, qui peuvent s'altérer à long terme avec les rayons UV, avec la pollution atmosphérique, tout ça. Fait qu'on veut leur créer un environnement de conservation. Oui, c'est ça, parce que toi, dans le fond, c'est des encadrements de qualité muséologique. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, quand on dit, c'est quoi la norme muséologique aussi? Bien, la norme, il y a plusieurs normes, parce qu'il n'y a en fait, il y a autant de normes qu'il y a d'institutions. Effectivement. Mais quand on fait affaire avec un musée, par exemple, on doit respecter un certain nombre de critères qu'eux utilisent dans leur institution muséale. Ça part, pour les œuvres papier, par exemple, de la simple question de réversibilité des œuvres. Donc, une œuvre doit être encadrée pour pouvoir revenir à son état d'origine à tout moment. Mm-hmm. C'est-à-dire que toutes les interventions qui sont faites doivent être le moins invasives possible pour pas altérer la nature de l'œuvre. Ne pas laisser de traces aussi. Laisser de traces. Il ne faut pas que ça soit collé de façon permanente. Il y a diverses techniques à employer qui sont le moins dommageables à long terme pour la pièce. Oui. Et donc, ça, c'est vraiment, il y a des méthodes, il y a le choix, c'est ça, il y a des méthodes, mais il y a aussi le choix des matériaux. Exactement. Également, que ce soit le cadre, le passe-partout, la vitre aussi, tout ça va venir avoir son impact. Tout ça, tous les choix de matériaux sont tous faits dans le but de, justement, créer un environnement le plus neutre possible, sans acide et sans rayon UV. Donc, on essaie, dans le meilleur des cas, d'avoir un boîtier qui empêche tous ces intervenants-là d'altérer les pièces-là. Donc, des filtres UV sur les verres, puis des matériaux à base, des cartons à base de coton qui sont sans acide, qui sont de qualité muséale, qui sont assez dispendieux aussi à certains moments. Là, ça peut aller assez loin dans le niveau de conservation des pièces-là. Oui. Ouais. Ben c'est certain, tout dépendant aussi de quel genre d'objet de la nature, il s'agit. Ce qui est mis en évidence là, c'est sûr que ça peut aller à l'infini là. Si on pense à des documents historiques de grande importance, c'est pas le même encadrement qu'une petite pièce qui a moins de valeur. Donc oui, c'est ça. Et en même temps aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu as cette approche aussi parfois très minimaliste, hein? Avec certaines œuvres où l'encadrement s'efface presque, absolument, si je peux dire. Mais il y a d'autres fois aussi où l'encadrement devient une œuvre en soi, si je peux dire, fait partie de l'œuvre et également ou apporte une lecture différente de l'œuvre. Exactement. Des fois, c'est des collaborations avec les artistes qui veulent comme élaborer l'encadrement à partir de la vision qu'ils ont de l'œuvre, puis ça en fait partie. Donc, le boîtier ou l'écrin dans lequel la pièce est disposée est conçu avec la collaboration de l'artiste. À d'autres moments, c'est des pièces qui sont aussi considérées pour leur aspect historique, qui doivent respecter une certaine histoire de l'art ou une histoire de l'encadrement aussi, parce qu'il y a tout un volet de cette histoire qui est à ne pas négliger. Donc, puis, à d'autres moments, ben on essaye d'effacer le plus possible ce qu'on voit pour avoir juste une protection très, très neutre. Oui. Et comment, justement, cette collaboration-là avec les artistes fonctionne? Est-ce que tu as un exemple, peut-être, à nous donner d'un projet qui, par rapport à l'encadrement, a été vraiment tout un défi ou du moins un beau projet de collaboration avec l'artiste? Oui, bien, je peux nommer le premier qui me vient en tête, c'est évidemment Dan Bro, parce que ça a été mon collègue d'atelier pendant plusieurs années. Puis, on a travaillé beaucoup ensemble sur des projets d'encadrement pour lui, comme des boîtiers en acrylique sur lesquels on intervenait, on faisait des marouflages, c'est-à-dire des encollages de la pièce sur des panneaux pour faire une espèce de boîtier de plexiglas par-dessus. Donc, ça demandait une certaine intervention de l'artiste aussi pour faire ces encollages-là, parce que c'est des interventions qui sont permanentes. Donc, Dan, on a toujours travaillé en étroite collaboration comme ça sur la présentation de ses pièces. Je pense à Thierry aussi, Thierry Arcambossé, Martin Bureau, des gens avec qui on design les pièces spécifiquement pour les œuvres qui vont être dedans. Des fois, c'est des travaux à long terme, tu sais, qui vont s'échelonner sur toute une période. Puis là, on décide de fine-tuner, si on veut, le produit, tout ça. Puis ça, chacun a un petit peu ses particularités. Oui. Ouais. Ben justement, peut-être, il y avait un projet, moi, qui venait en tête de Thierry Arcambossé, ce grand tableau du pape Innocent X, oui, où vous aviez fait réfléchi à un encadrement assez particulier, puis aussi le choix du verre également aussi avait été vraiment réfléchi aussi. Ben c'est un tableau qui réfère à deux œuvres historiques, une de Francis Bacon puis une de Velázquez, qui en fait Bacon a repris celle de Velázquez, puis Thierry a repris celle de Bacon. Puis oui. Francis Bacon encadrait toujours ses œuvres avec des verres. Si on voit la tête moderne, il y a des beaux triptyques de Francis Bacon avec des grands, grands verres. L'artiste voulait que le spectateur voit son propre reflet dans la surface dans du tableau. Hein. Mm-hmm. Fait que c'est un petit peu une citation de ça, parce que le tableau de Thierry cite déjà deux autres tableaux. Mm-hmm. Fait nous, on a décidé de travailler l'encadrement de la pièce en fonction de ça. Puis c'était une belle collaboration. Oui. Ouais. Ben certainement, puis ça nous montre aussi justement que c'est pas anodin du tout, justement que ça peut avoir un impact très très fort aussi sur nous, le fait qu'on si on est le moindrement conscient, on se voit aussi au travers de ça, donc il y a un reflet assez particulier. Et aussi François, tu as suivi ça t'arrive à l'occasion de travailler sur des projets de restauration d'œuvres d'art plus anciennes. D'encadrement, d'encadrement plus ancien. Ouais. Et ça aussi, ça amène son lot de particularités. Tu as d'ailleurs suivi une formation sur la dorure aussi. La dorure traditionnelle française que je mets très rarement à profit. C'est rare que les gens veulent... On n'en voit pas souvent ici, en Amérique du Nord, ce genre de dorure-là. Là. Mais... par exemple, les pièces que j'ai faites pour l'expo des abbés des jardins au musée, c'était toutes des reproductions de cadres anciens qui utilisaient certaines parties en dorure, d'autres en polychromie peinte avec des patines, tout ça, mais tout était dans le respect d'un style traditionnel propre à une période très précise de l'histoire de l'art du Québec. Là. Fait qu'à chaque fois, c'est des défis de technique, de... puis historique aussi, essayer de trouver la bonne pièce qui va aller avec le tableau selon la période. Là. C'est ça, comme tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, il y a une histoire de l'art, mais il y a une histoire de l'encadrement aussi qui va avec cette histoire de l'art. Oui, puis même qui est propre à l'Amérique du Nord, son style d'encadrement à partir des années 20-30, l'époque moderniste a vu se faire développer des styles d'encadrement qui étaient influencés par des artistes aussi. Je pense à Georgia O'Keeffe, là, qui avait des cadres qui étaient absolument hors normes à cette époque-là, qui étaient faites, décidées par elle, exécutées par d'autres encadreurs, mais c'était déjà un statement sur l'encadrement à cette époque-là, dans les années 30-40, tout ça jusqu'à maintenant, aujourd'hui aussi, on revisite toujours ça. Oui, puis c'est drôle parce que si on porte attention aussi, quand on visite les musées, on peut justement voir, si on est attentif, c'est qu'est-ce qui était aussi un certain style. Il y a des styles associés à des époques. Oui. Moi, je pense justement à l'époque moderniste ou à certaines époques, mettons, plus, mettons, début du siècle, du 20e siècle, où le passe-partout était très, très présent. La Marie-Louise, si je peux dire, même à l'époque qu'on appelait beaucoup, était très présente, tissée avec un cadre plus présent aussi. Bien, on était encore dans les encadrements européens aussi. Le cadre Louis XIV a été une référence dans les tableaux haut de gamme pendant très longtemps. Ça l'a encore un peu pour certains styles de tableaux. Le Louis XIV, Louis XVI, tout ça, qui est des cadres très travaillés avec de la dorure traditionnelle française. Mais ici, ça a été importé, puis il y a eu des déclinaisons de ça qui ont été jusqu'à des cadres qui ont été repeints après avec, on appelait ça des cadres Montparnasse, c'est des cadres Louis XIV avec des finitions peintes par-dessus. Qui est devenu un style en soi, puis c'est ça, mais ça a été très influencé par le cadre européen. Là. Oui. Ouais. Et français surtout. Français, oui, ouais. J'imagine. Et tu joues aussi au quotidien avec des œuvres, oui, d'artistes actuels là, que tu côtoies aussi, mais tu as aussi des œuvres de grande valeur qui cheminent chez toi, des Riopel, des Lemieux ou d'autres artistes importants. Quand même, est-ce que ça doit être aussi un autre défi aussi à traiter, ou j'imagine quand même c'est le même respect, certainement? Je ne traite pas des œuvres en particulier selon leur valeur au niveau de l'encadrement. Ben, ça va aller de soi un peu avec les choix de matériaux qui vont être faites par le propriétaire de l'œuvre qui veut ou non investir dans un encadrement plus ou moins haut de gamme. Mais les techniques de conservation, de montage, tout ça va rester les mêmes, que ce soit un Riopel ou une œuvre d'un artiste qui n'est pas très connu. Là. C'est du pareil au même. Certainement. Et est-ce que y a un projet... qui t'a demandé beaucoup, qui a été le plus audacieux, si je peux dire, dans ton parcours? Est-ce qu'il y en a un qui, vraiment, tu te dis, hey, ça, là, ça a été quelque chose à faire, mais vraiment, dans lequel tu es très fier également? Les plus grands défis que j'ai à faire face, c'est les formats, en fait. Plus la pièce est grande, plus ça demande un investissement de recherche sur les matériaux qui sont disponibles, parce que au-delà d'un certain format, il n'existe plus de matériaux pour faire les mêmes choses qu'en petit format. Donc, on doit développer des façons de procéder où ces matériaux-là vont être réinventés, si on veut. Je pense à des projets d'intégration à l'architecture avec qui je travaille avec certains artistes comme Annie Baillargeon ou Ludovic Bonnet, où on a des normes très sévères de conservation des pièces, mais au niveau de la sécurité des pièces. Parce que c'est dans des endroits publics, c'est avec des verres trempés, c'est des pièces qui doivent être indestructibles. Donc, c'est beaucoup de recherche. Oui, effectivement, ça, c'est sûr. Et puis, peut-être pour terminer aussi, nous dire, est-ce que tu aurais des conseils à nous faire, justement, peut-être pour des gens qui sont à la maison, qui auraient une œuvre à remettre en valeur, ou sinon des recommandations à nous faire en matière d'encadrement. De poser des questions à l'encadreur. Quand on amène une pièce, juste toujours demander qu'est-ce qu'il va faire comme intervention. Puis moi, j'ai toujours comme principe à l'atelier de j'en ai parlé tantôt, de ramener la pièce à son état d'origine. C'est une éthique de base que j'ai à l'atelier. C'est de s'informer de ces choses-là, des techniques qui sont employées pour la conservation des pièces. Donc, ensuite, on parle de design, puis de choix de matériaux, tout ça, mais la base, c'est de ne pas altérer la pièce. Mm-hmm. D'accord. Donc, voilà. Puis aussi, j'imagine, de discuter de où se trouvera cette pièce-là aussi, avec ça, son encadreur. On dirait que c'est comme dernier lieu. on décide de comment va se faire l'encadrement pour la pièce en soi. Puis en dernier, on dit, bon, ça s'insère où? Dans la collection, sur les murs. Des fois, il y a des collectionneurs qui veulent travailler sur une unité dans leur choix d'encadrement pour l'ensemble d'une collection. D'autres qui vont y aller pièce par pièce, peu importe l'éclectisme que ça aura. Des collections, ça évolue aussi dans le temps. On le sait, quand on fait des nouvelles acquisitions, c'est pas nécessairement en accord avec les premières qu'on a faites. Fait que je pense que c'est un peu y aller selon l'intuition, souvent. Oui. Eh bien, François Simard, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce fabuleux monde de l'encadrement. Ça fut un plaisir. Et puis, si on veut également aussi dire que tu as réaménagé dernièrement tes locaux aussi, agrandi un peu l'espace. Justement, pour les plus grands formats, les plus grands exact. Défis. Exact. Puis, tu as aussi un nouveau collaborateur qui s'est joint à ton équipe, à ton toi-même. Oui, Francis Labissonnière, qui sûrement nous écoute en ce moment. Salut, Francis. Alors, c'est ça, donc un bel ajout, j'imagine, aussi, qui va te permettre, parce qu'il y a même, il faut le souligner, il y a une très belle expérience dans le travail du métal, Francis aussi. Alors, une minutie. Une minutie, effectivement, et un savoir technique. Alors, comme tu dis, on le salue. Alors, si on veut en savoir plus sur ton travail, on peut visiter le site web françoissimard.com. Exactement. Et peut-être rappeler aux gens aussi, tes ateliers sont situés à quel endroit? Je suis tout près de Méduse, sur Côte d'Abraham, au 729. Parfait. Alors, on peut trouver toutes ces informations-là sur le web, mais aussi on vous a partagé également aussi la page Facebook de François sur notre page Facebook également. C'est gentil. Alors, vous trouverez tout cela là. Merci beaucoup, François Simard. Merci, Audrey. Alors, nous, on s'en va en pause publicitaire et on revient de l'autre côté avec Héloïse Plamondon-Pagé. Vous écoutez CKRL 89.1. Premier acte présente du 29 novembre au 9 décembre, Fuck Tout de Mathieu Campagna et Catherine Dorion. Si tu restes dans les idées, t'es obligé d'être un militant. L'art, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour relier la personne qui est ici avec la personne qui est là. Fuck Tout, c'est une expérience sensorielle. Faut savoir que le spectacle se déroule dans le noir le plus complet. C'est dans le noir complet, tout le monde est proche de son intimité. C'est pour ça qu'on a fait ce show-là. C'est pour qu'il y ait au moins un moment où ça se passe, puis où on redescend sur terre, puis on se regarde, puis on est comme « Fuck! » Bien en vente sur premieracte.ca. Mais l'hiver, faut qu'il résorbe. C'est pour ça que j'ai calfeutré toutes mes fenêtres. Calfeutrez vos fenêtres et évitez de perdre jusqu'à 25% de la chaleur de la maison. Visitez mieuxconsommer.ca pour plus de détails. Un message d'Hydro-Québec. Mon beau sapin, roi de forêt. J'ai pas vraiment besoin que tu sois allumé la nuit. J'éteins donc toutes mes lumières extérieures avant d'aller me coucher. Éteignez vos lumières extérieures la nuit et économisez jusqu'à 40 $ par année. Visitez mieuxconsommer.ca pour plus de détails. Un message d'Hydro-Québec. On entame cette deuxième moitié d'émission de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL. Audrey Caro, toujours avec vous, et je suis en compagnie de Héloïse Plamondon-Pagé. Bonsoir, Héloïse. Bonsoir, Audrey. Tu avais envie de nous faire découvrir le travail de Simon Henry. Bonsoir, Simon. Bonsoir, bonsoir. Alors, tu voulais nous faire découvrir son travail parce qu'il est actuellement en résidence à la Chambre Blanche, et c'est un travail qui, enfin, semblait vraiment te fasciner. Donc, je te laisse nous présenter un peu Simon, mais aussi tu vas nous lui poser quelques questions également. Exactement, ben oui, donc Simon, c'est un artiste, musicien, compositeur et poète de Montréal qui est en visite à Québec ce mois-ci à la Chambre Blanche. Puis ce qui est très intéressant, c'est que dans sa pratique artistique, il s'intéresse aux frontières qui existent entre le musical et d'autres formes d'art comme la performance, l'art sonore, le théâtre et même l'installation. Puis donc Simon, ben toi, tu as développé des partitions graphiques. En fait, littéralement, tu dessines des sons. Oui, oui. Peux-tu nous expliquer comment tu t'y prends? D'où est-ce que ça vient? Oui, bien, en fait, il y a, c'est pas nécessairement très connu, mais il y a une longue tradition de partitions graphiques qui date des années 50, surtout en musique classique, si on veut dire. Mais ce qui est assez particulier dans mon travail, c'est que les dessins que je fais, c'était à l'origine, il y a 15 ans, ça me servait quand j'étais pianiste improvisateur pour noter assez vite la structure globale de ce que j'allais jouer. T'sais, je faisais comme un gros spot noir, puis là, ça c'était, bon, OK, je vais être dans l'aigu, mettons, du piano, puis je vais faire un nuage de son. Puis, tu sais, je mettais comme des petits points plus dans le grave, puis là, ça représentait un petit peu, tu sais, des fois, je mettais un peu les hauteurs pour me rappeler, ah oui, c'est vrai, ça, je voulais faire ce passage-là autour d'un mi, là. Puis, au fil des années, j'ai développé vraiment ces dessins-là, puis c'est devenu... C'est vraiment devenu des objets autonomes qui représentent littéralement la musique. Donc, si je fais par exemple une longue ligne noire en bas de la page, ça représente un son grave. Si c'est plus foncé, c'est plus fort, si c'est plus pâle, c'est plus doux, etc. Ce genre de choses. C'est vraiment un langage que tu t'es développé avec des codes. C'est ce que je me demandais aussi en regardant tes partitions, si, bien évidemment que des fois, s'il y a un spot, une partie qui est plus au fusain, estompée, c'est des choses qui reviennent, mais je me disais, est-ce que c'est un langage qui se réinvente à chaque fois selon la pièce, ou tu t'es développé des sortes de codes qui sont assez comme précis et récurrents, là, si je peux dire? Non? Bien, en fait, c'est surtout quelque chose que je précise au fil des années. S'il y avait des... au début de ma pratique, les codes étaient peut-être plus ouverts. Je cherchais un petit peu la meilleure manière de représenter exactement ce que je voulais. Parce qu'en fait, ce que je cherche, c'est des sons très particuliers. Surtout ce qu'on appellerait peut-être du noise ou du bruitisme, qu'on n'est pas tellement habitué de jouer sur des instruments classiques. C'est vraiment pas dans la tradition d'un violoniste d'apprendre à faire des crunchs sur son violon. Mais moi, non seulement j'aime beaucoup les crunchs, mais j'aime que les crunchs soient très peaufinés. Fait que au bout du compte, j'ai établi des espèces de codes de notation très, très basiques, très simples. Puis je les raffine au fil des années, mais ça fait un moment que j'ai pas inventé des nouvelles choses à rajouter là-dedans. Puis on t'a vu en 2016, toi puis le chef d'orchestre Yannick Plamondon, vous avez présenté une pièce collaborative au Musée national des Beaux-Arts. En fait, c'est une collaboration entre deux compositeurs. Puis moi-même. Pardon. Mais c'était... Oui, c'est ça. Vous avez présenté une pièce que vous avez les deux composée. Mm-hmm. Donc, lui s'occupait plus de la partie orchestre symphonique. Puis toi, tu t'occupais plus de la partition graphique ou du moins... c'est ça, vous avez vraiment mêlé les deux. Oui, en fait, on a... Pour faire une histoire courte, quand on s'est rencontrés la première fois, on a réalisé à quel point on était en désaccord sur vraiment beaucoup de choses. Puis on s'est dit qu'il n'y avait rien de mieux que d'écrire une pièce ensemble pour comme gérer ça de manière civilisée. Fait que, en fait, la pièce, c'est littéralement un mix dans la tradition peut-être plus musique électronique de la chose entre nos deux formes d'écriture. Donc, sur la partition du chef, par exemple, il y a la ligne de flûte, ben, ça passe de mes dessins à l'écriture de Yannick, à mes dessins, puis pendant que, aux autres instruments, il y a un mélange des deux notations. Fait que c'est vraiment très intégré comme façon de procéder. Puis, du coup, ben, en fait, nos deux notations font appel à deux types de musique complètement différentes. La mienne est beaucoup plus bruitiste, beaucoup plus du noise. Lui, c'est vraiment plus des sons articulés, plus traditionnels, des mélodies, des choses comme ça. Fait qu'au fond, c'est une espèce de manière de se rencontrer puis de pas rester dans nos univers fermés, noise versus musique instrumentale traditionnelle. Puis cette pièce-là a été présentée à pour l'inauguration du pavillon Pierre Lassonde à l'été 2016. Puis vous avez vraiment travaillé avec l'Orchestre symphonique de Québec. Oui, oui, oui. Comment a été le travail avec les musiciens? Parce qu'on a les deux compositeurs qui se retrouvent ensemble, qui composent avec leurs deux langages. Toi, tu comprends très bien le langage plus classique, t'amènes tes choses graphiques et tout. Mais une fois que ça doit être interprété par les musiciens, comment les musiciens recevaient ça? Comment était le travail? Bien, c'est sûr que un des fondements de ma démarche, c'est de développer le rapport avec les interprètes, puis de revaloriser le rôle de l'interprète, parce qu'on est surtout en musique classique, on est dans une logique où le compositeur, généralement un homme blanc, est vraiment le maître de tout. Si on a une question par rapport à quoi que ce soit, le compositeur doit avoir une réponse. Puis moi, je trouve ça un petit peu hiérarchique comme façon de procéder. Ça fait que j'aime ça travailler avec les interprètes de manière plus en aller-retour. Ça fait que la plupart de mes projets se sont faits avec des ensembles qui sont habitués à ce genre de logique-là. Mais évidemment, quand je suis arrivé avec l'OSQ, c'était pas la même game. Mais ils ont été super ouverts. Fabien Gabel, le chef d'orchestre, était très intéressé justement par celui qui s'est entendu avec Yannick pour que le projet ait lieu avec le mélange des deux langages. Puis il y a eu ce moment au début du travail de répétition où on n'était pas sûr à 100% si on allait se rendre parce que c'est des codes nouveaux puis et le temps est très réduit avec un orchestre symphonique. Ça coûte très très cher. Chaque minute de répétition est vraiment chronométrée. Mais finalement, les musiciens, c'est ça, ils ont mis du leur, puis ils ont comme réalisé à quel point ce qu'ils pensaient en fait être de l'improvisation, en fait, c'est une musique très précise. Quand ils n'étaient pas sûrs de ce qu'il fallait jouer, je leur chantais le crunch en question. Puis il y avait une meilleure idée quoi faire. Oui, en tout cas, moi, j'ai manqué la représentation live, mais j'ai vu, il y a un documentaire. D'abord, le nom de la pièce, c'est « Voir dans le vent qui hurle, les étoiles rire et rire ». Puis d'ailleurs, vous pouvez voir sur la page Facebook de l'aérospatiale, il y a un extrait de ça. C'est super intéressant. Puis il y a le documentaire aussi réalisé par Jean-Pierre Dussault qui permet de revoir la pièce au complet. Puis moi, j'avais assisté à la projection de ce documentaire-là. Puis c'est vraiment fascinant parce que tu passes en tant que spectateur par plein d'états. Au-delà de juste entendre la musique, des fois c'est plus mélodieux, des fois c'est plus grinçant, mais ça te fait vraiment vivre des émotions qui sont super intéressantes. Là. Donc, Ah ben merci, je vais mettre ça dans ma petite poche. Et puis moi, peut-être en guise de dernière question, parce que oui, tu produis ces éléments visuels-là, mais ça se présente pas comme une partition pour un musicien conventionnel, si je peux dire une partition conventionnelle. Comment ça fonctionne, ce passage-là, entre l'élément visuel versus le ressenti musical? En fait, ce qui est assez particulier, c'est que ces dessins-là sont vraiment... avec le temps, sont devenus à la fois des objets visuels autonomes que j'expose en galerie et tout, et littéralement ce que je mets sur le lutrin du musicien. D'accord. Donc, une fois que la période de l'adaptation au code est passée, ben en fait, il lit la musique comme il irait n'importe quelle partition. D'accord. Puis, en se référant aussi, je veux dire, j'ai été formé comme pianiste classique à la base, fait que c'est... le langage avec lequel on aborde cette musique-là, c'est un langage commun d'émotion avant tout, de transmission d'une émotion sonore. Bien, merci beaucoup, Simon-Henri, de nous avoir parlé, parce que moi, c'était quand Héloïse m'a suggéré ce topo de chronique-là, ça m'a vraiment beaucoup intriguée, puis en même temps, il y en aurait tellement plus à dire aussi, mais on vous invite à découvrir aussi ton site web sur lequel il y a à la fois des images, mais des extraits aussi qui nous permet de mieux comprendre ça, et c'est aussi sur la page Facebook de l'aérospatiale que vous allez pouvoir voir ça. Héloïse, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce travail-là. Et Simon-Henri, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Ben, merci pour l'accueil. Alors, nous, on va faire une pause audio, toujours avec Enkin Fallon, et c'est Burning Barb. Eh bien, simplement pour compléter notre entretien qu'on vient juste d'avoir avec Héloïse et Simon-Henri, il va y avoir, hein, parce qu'on le disait un petit peu d'entrée de jeu, que c'est une résidence à la Chambre Blanche qui a cours actuellement, et on va faire suite, mais il va y avoir un petit quelque chose à la suite de cette résidence-là qui va se passer à la Chambre Blanche dans les prochaines semaines, j'imagine, mais enfin, on vous tient au courant aussi si votre curiosité a été piquée, que vous avez envie d'aller voir ce que cette résidence résidence-là a donné, ben, on va vous tenir au courant. Eh bien là, c'est vrai. Anne-Sophie Homère, bonsoir. Bonsoir, Audrey. Donc, tu es avec nous depuis le début de l'émission, mais voilà, c'est ton tour de nous parler de ce lancement qui a eu la semaine dernière, donc du magnifique livre photographique de Charles-Frédéric Ouellette intitulé « Le naufrage ». Je te laisse nous présenter un peu qu'est-ce que c'est que cet objet, hein, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut le dire, cet objet. Eh bien, oui, voilà. Donc, la semaine dernière avait lieu donc le lancement de ce livre magnifique à Québec. On a eu la chance en avant-première de le voir ici. C'était le lancement chez Critérium sur la rue du Pont. Oui. Et puis, donc, moi, j'étais très intriguée donc, de voir ce projet. Donc, on arrive dans le lieu. Et effectivement, je n'étais pas la seule à être très intriguée. Nous étions très nombreux. Il faisait très chaud dans ce petit lieu. Finalement, on a eu peu de temps pour discuter avec Charles-Frédéric Ouellette. Parce qu'il était très pris par tous les curieux venus voir et acheter ce livre. Alors moi, je voudrais revenir aussi sur la présentation qu'il avait fait ce soir-là, puisqu'il a créé une édition limitée du livre qui était présentée dans des coffrets en bois magnifiques où il avait gravé une carte relativement ancienne du Saint-Laurent. Et donc, il avait disposé ces éléments comme quelque part une constellation sur le mur. Et donc ces coffrets étaient à vendre. Et puis, il y a des chanceux qui sont repartis avec. Donc, cette carte ne sera plus visible de la même façon pour les futures présentations. Mais donc, voilà, une belle occasion d'approcher ce livre. Donc en fait, moi, voilà, après cette soirée-là, j'en savais pas assez. Il fallait que je discute plus avec Charles-Frédéric. Donc moi, je lui ai proposé qu'on partage une bière et qu'on en parle un petit peu plus. Parce que j'étais vraiment curieuse, puisque le travail, on l'a déjà vu. Galerie La Certe, on a déjà vu son projet. Oui, ce projet-là a été beaucoup présenté sous mode photographique. Oui. Des photos, tout simplement, là. Mais là, je pense que ce livre photographique est vraiment la formule qui représente le mieux et qui met encore plus en valeur ce projet auquel il a travaillé depuis plusieurs années. Oui, vraiment. Donc, il me confiait qu'effectivement, c'est un projet qui l'avait quand même passionné et pour lequel il travaillait déjà depuis 2010. Puisque, en 2010, il s'était intéressé à ce monde des marins, des pêcheurs. Le Saint-Laurent, c'est quelque chose qui a toujours intéressé Charles-Frédéric, puisque finalement, c'est le lieu d'arrivée de la société québécoise, le lieu de départ, ce fleuve. Et puis, il a commencé d'abord par, effectivement, des photos comme ça, sans vraiment, on va dire, savoir où il allait à la base. Mm-hmm. Il est allé à la pêche. Exactement, il est allé à la pêche, c'est bien dit. Et d'ailleurs, c'était à chaque fois des aventures, puisqu'il partait en mer 8 à 10 jours avec les pêcheurs. Il n'est jamais parti sur les mêmes embarcations. À chaque fois, c'était avec des personnes différentes. Donc, il a eu la chance de faire de la pêche à l'espadon. Il a eu différentes sortes de pêche, différentes sortes d'embarcations. Et puis, le travail, au fur et à mesure, s'est affiné, puisqu'en rencontrant ces personnes, au fur et à mesure des portraits qu'il a pu faire, il y avait une sorte de mythe. Il y a toutes ces histoires de la mer qui ressortent, qu'on voit beaucoup quand on regarde les photos de Charles-Frédéric dans les portraits. Moi, je trouve qu'il y a tellement d'histoires gravées sur le visage de ces personnes qu'on arrive à s'inventer des histoires. Il y a un mythe derrière, il y a de la magie quelque part. Mais la mer a beaucoup de légendes et d'histoires qui peuvent être à la fois tout à fait inventées, mais aussi très réelles également. Vraiment. Et on le retrouve vraiment dans le travail, puisqu'on a plus l'habitude de voir dans le travail de Charles-Frédéric quelque chose plutôt de social, quelque chose de sociétal aussi, je dirais pas critique, mais un point de vue sur ce qui se passe. Et là, il y a de la poésie en plus dans ce livre, puisque on retrouve également une intervention de Fabien Cloutier qui a écrit justement un poème à ce propos. Le livre est riche puisqu'il y a de la poésie, il y a aussi une illustration de Frédéric Lévesque à l'intérieur. Et puis au fur et à mesure des pages, on retrouve justement la mer, les marins, ce mythe, voilà, on quitte l'aspect vraiment sociétal de son travail habituel pour quelque chose de fascinant, quelque chose de plus, comment dire, on se laisse on se laisse naviguer finalement sur les flots et par ces légendes de marins qui en ressortent. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup du patrimoine immatériel, oui. Je pense aussi au travers de ce livre, parce qu'il faut le dire, hein, un livre photographique, essentiellement, ce sont des images. Mm-hmm. Des fois, il peut y avoir une image sur deux pages, elle peut être plus grosse, elle peut prendre toute la page aussi. C'est une œuvre en soi aussi. Vraiment? Oui. Ce n'est pas un simple livre d'images avec une photo qui s'enligne comme ça. Mais il y a toute cette narration, mm-hmm. cette narrativité aussi qui en sort, cette poésie oui. que tu évoquais mm-hmm. aussi. Et je pense que c'est le plaisir aussi des gens comme qui ont des éditeurs aussi, mm-hmm. Des éditeurs justement plus photographiques. Donc, c'est cette particularité-là, vraiment créative et poétique avant tout, avant le texte. Oui, vraiment. Parce que souvent, moi, je trouve qu'il y a une sorte de frustration. Si vous allez à une exposition photo qui vous plaît, vous avez certainement peu de chances de pouvoir repartir chez vous avec l'intégralité des pièces. Par contre, ce que vous offre le livre photographique en tant que tel, c'est d'avoir quelque part ces photographies, et puis tout est travaillé, c'est pas simplement de la photographie imprimée sur des pages comme ça, aléatoire. Non, il y a une recherche ici, on nous raconte une histoire, il y a un suivi qui soit chronologique ou historique ou selon une légende, et tout est travaillé, la qualité du papier, le choix de la photo, le choix du format, la couverture, oui, vraiment, tout est... quand on rentre à la maison et qu'on l'ouvre, on le range peut-être dans notre bibliothèque, mais à chaque fois qu'on le ressort, on ressort des émotions, on ressort ce qu'on a voulu nous raconter aussi comme mm-hmm. histoire. On est transporté dans un univers, finalement. Oui, vraiment. Et qui peut être différent, perçu de manière différente mm-hmm. aussi par chaque personne, selon notre sensibilité. Hein. Plusieurs ont des marins dans leur famille, oui, vraiment, donc oui. ça peut faire ressortir toutes sortes de choses. Mm-hmm. Fait que vraiment, un livre à découvrir, et comme on l'a partagé sur la page Facebook aussi de l'émission, mais un livre qu'on peut s'offrir aussi à soi oui. ou offrir en cadeau à Noël, ça fait vraiment un très bel objet à conserver. Et à quel endroit on peut se le procurer? Alors justement, donc le naufrage est disponible aux éditions du Renard. On peut le retrouver... alors que je ne dise pas de bêtises, je pense qu'il est disponible chez Vue. Mais également, sur le site internet. Oui, bien, sur le site des éditions du Renard. Ça, oui, ça, je sais qu'il est là. Et on disait dans quelques librairies oui. indépendantes, mais enfin, sur voilà. les éditions du Renard, on va pouvoir le retrouver. Et rapidement, le prochain lancement aura lieu à Montréal le 7 décembre, chez Laika, qui est un café-bar. Voilà, ça, c'est pour le prochain lancement. Parfait. Donc, si on a manqué sur le voilà. Québec, on peut se reprendre. Et puis, à n'hésitez Montréal. Pas à toucher un petit mot à Charles-Frédéric. Si vous le croisez, il a plein de petites histoires avec des dauphins incroyables et dangereux. Oh, parfait. Donc, j'en en dirai pas plus. Ça nous j'ai intrigue. Promis. Ça nous intrigue. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Sophie, de nous avoir parlé de ce livre photographique. Et je vous rappelle aussi, chers auditeurs, vous pouvez aller sur notre page web, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Nous avions reçu en janvier dernier, Jean-Tienne avait discuté avec Charles-Frédéric mm-hmm. au sujet du livre photo. C'était, je pense, autour du 19 janvier. Le 24 janvier. Le 24 janvier, merci beaucoup. Donc, vous pourrez aller réécouter aussi si la question du livre photographique oui. vous intéresse. Il avait parlé en entrevue avec Jean-Tienne de cet aspect-là. Donc, si vous aviez envie d'en mm-hmm. découvrir plus, ça vaut la peine d'y retourner. Donc, nous, on s'en va en pause audio quelques instants seulement et je vous reviens avec l'agenda de la semaine. Eh bien, c'est déjà l'heure de faire le tour des événements pas manqués cette semaine. À partir d'aujourd'hui, bien sûr, avait lieu la foire de dessin 2017 qui va se tenir jusqu'au 2 décembre. Et c'est à l'École d'art de l'Université Laval, dans l'atrium, à l'édifice de la fabrique. C'est la traditionnelle foire des finissants qui est là pour aider à financer leur exposition de fin d'études. Il y a des œuvres pour toutes les bourses et c'est une belle façon de découvrir et de soutenir le travail d'étudiants qui sont prometteurs, bien sûr. Sinon, demain, conférence midi de la céramiste belge Sarah Clotuche à la frontière de l'humain et de l'animal. C'est à midi au local 301 au troisième étage de la Maison des métiers d'art de Québec au 367 boulevard Charest. En soirée, demain, il y aura conférence Riopelle tout azimut au Musée national des beaux-arts du Québec à 19h30, qui est présentée par Bernard Lamarche, qui va aborder des facettes inconnues du travail de Riopelle, qui a élargi sa pratique artistique au-delà de ce qui a été diffusé au public, hein, de ce qu'on connaît de son travail. Ce jeudi, 30 novembre, encore au Musée national des beaux-arts du Québec, ce sera le vernissage de l'exposition d'entrée de jeu de José-Louis Torres à la Galerie Famille des 10 heures, ce sera suivi d'un atelier de création gratuit, une cabane réinventée, offerte jusqu'à midi. En soirée, dans le cadre de la foire de dessin des finissants, il va y avoir un encan silencieux de la foire à entre 11h et 18h. Donc, on va pouvoir aller justement miser sur ces œuvres d'artistes, cette fois-ci professionnels, souvent des professeurs, des étudiants, donc pour financer cette exposition. N'oubliez pas que de jeudi à dimanche, il se poursuivent les performances quotidiennes de l'e-painting entre 16h et 17h au lieu sur la rue du Pont. Et à ne pas manquer, Julien Saint-Georges Tremblay, je suis pour nous ces performances-là. Il va faire un retour à l'émission la semaine prochaine. Vendredi, c'est la virée du temps des fêtes qui commence dans plusieurs lieux de diffusion, donc de Québec, Galerie L'Artichaut, Pêche-Sherpa et Engramme notamment. Donc, et ça, c'est jusqu'au 17 décembre. Et également chez Critérium, il y aura le vernissage de Good Room d'Esté Préda, donc à partir de 17h, toujours sur la rue du Pont. Et l'incontournable Salon Nouveau Genre cette fin de semaine, 2 et 3 décembre, c'est la 15e édition, donc qui a lieu toujours à l'église Saint-Fidèle au 1280 de la 4e avenue dans Limoilou. sera présent donc 160 créateurs des métiers d'art, art visuel, mode design, micro-édition et musique. Donc à ne pas manquer. Et également, ce lundi, Marc-Antoine Cloutier méditait le cours d'eau à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Le vernissage va se tenir jeudi prochain. Voilà, dernière semaine pour voir les expositions à vue et également la galerie Ni vue ni cornue à Sainte-Anne de Beaupré. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de cette émission. Un grand merci à nos invités et nos chroniqueurs de cette semaine, à Jacques Gignac à la mise en onde, le Giorgia Volpe, si je peux dire, de la console. Salutations à Gentiane La France, ma précieuse collaboratrice de cette émission. Et demeurez à l'écoute, Pierre Blais et son équipe vous retrouvent à la Ninkasi pour parler cinéma à l'émission Situation Critique. Moi, je vous dis à mardi prochain, 17h30. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. 4 fois radio communautaire de l'année aux rencontres de la disque depuis 2010. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale filiale de Québec. Antitube. La Maison des femmes de Québec. Salle Albert Rousseau. L'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. En décembre, au cinéma Le Clap, 16 nouveautés dont 3 affiches tout près d'Ebbing, Missouri, dès le 1er décembre, Noël et compagnie dès le 6 décembre, The Breadwinner dès le 8 décembre, Le sens de la fête dès le 15 décembre, All the Money in the World dès le 22 décembre et Le maître de la scène dès le 25 décembre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Installez-vous confortablement et écoutez la Bibliothèque du futur lors d'avant-première. Les auteurs Caroline Fouché, Gabriel Ferron, Dane Simard, Olivier Artaud et Francis Paradis font vibrer les ondes de CKRL avec humour, poésie et imagination. Avant-première, un saut dans la littérature de demain sur les ondes de CKRL 89.1, le 29 novembre à 17h30. Tendez l'oreille. Rhizome, littérature vivante, transculture en collaboration avec le CRILC de l'Université Laval présente l'événement Écriture consacré aux formes en développement et à la prise de risque jeudi le 30 novembre à la coopérative Méduse et vendredi le 1er décembre à la Maison de la littérature au programme. Quatre sorties de résidence réalisées en novembre par des duos et des trios de créateurs en littérature et en art sonore, des performances, une installation vidéo poétique et une journée de réflexion sur la littérature et le numérique. Pour le détail de la programmation, rendez-vous à écriture.ca. Le 5 décembre prochain, la Maison de la littérature présente Sacré-Cœur de Gilgamesh, un récit polyphonique à trois voix. Dans une esthétique presque radiophonique, des conteurs redonnent la parole à cette épopée millénaire, la plus vieille histoire écrite. Les voix sonnent, résonnent, se superposent, s'envolent et dessinent des paysages. De là, on entend un chœur, un sacré chœur de Gilgamesh. Gilgamesh! Un spectacle à découvrir à la Maison de la littérature. Premier acte présente, du 29 novembre au 9 décembre, Fuck Tout, de Mathieu Campagna et Catherine Dorion. Si tu restes dans les idées, t'es obligé d'être un militant. L'art, c'est pas fait pour ça, c'est fait